Tu fonces et t'arrêtes pas. Calme-toi, implorait Nilsine, son visage rosé dans la lueur de la chandelle. Hans, respire, je t'en prie. Hans n'arrivait pas à se maîtriser. C'en était trop. L'attaque de panique le paralysait tout entier. Il restait recroquevillé dans le coin de l'atelier abandonné, les yeux hagards, le visage tordu par la souffrance. Ses mains tremblant de façon incontrôlable. Il les avait coincées sous ses aisselles, mais ça ne servait à rien. Sur une table centrale étaient amassés le reste de leurs armes et munitions. Des liasses de billets, cartes de crédit, faux papiers et puces d'identification piratées. Ce qu'ils avaient réussi à rescaper à la dernière minute et ce qu'ils avaient déterré de la cache sous le plancher. Dehors, une demi-douzaine d'hélicoptères blindés patrouillaient le ciel nocturne, leur lumière jaunâtre infatigable. La loi martiale venait d'être décrétée. Dans la même annonce, la Hope Sec acquérait le service d'ordre métropolitain. Nombreuses descentes à travers la ville, plus de 3 000 arrestations, et ça ne faisait que commencer. On avait prévu le coup! Rappela Nilsine avant de se tourner vers son camarade en crise. Tu te rappelles, Hans, c'était un des scénarios. Rien pour nous empêcher de continuer, hein? Tranquillement, elle fouilla dans une trousse de premiers soins, saisit une paire de pinces en plastique, une bouteille d'alcool frelatée, un rouleau de pansement. Elle réussit à extirper la main gauche de Hans, craquelée de sang séché, puis lui caressa la joue pour tenter de le calmer. En vain. C'est comme t'avais dit, continua Nilsine. Les rumeurs de crash financier, c'est parti en Europe, émeute mondiale comme une pandémie, la totale. Mais c'est ici que ça va frapper le plus fort. Le gouvernement abdique, la constitution est dissoute, les gens paniquent. T'avais vu juste, Hans, la confusion va compenser pour nos cellules qui sont tombées. On peut pas avorter, il va falloir partir bientôt. Tous savaient qu'après l'opération Dix, il n'y avait plus de marche arrière. Plus aucune communication entre les cellules. Il fallait attaquer. De toute façon, lorsque la torture commencerait, personne du M9A ne pourrait résister très longtemps. Interrogation par induction nerveuse. 2 ou 3 jours au maximum, et d'autres morceaux du puzzle seraient révélés. Le temps était compté. Hans, insista Nilsine en désinfectant la plaie. Il va falloir qu'on s'en aille bientôt, tu comprends? La route va être longue. Ses yeux mauves se brouillèrent de larmes. C'est pas ta faute pour Svet, tenta-t-elle. C'est ces salauds, ok, c'est pas toi. Elle nous a sauvés, Hans, sur le toit. On y serait tous passés sans elle. Il faut aller de l'avant maintenant, d'accord? S'il te plaît. On peut pas arrêter maintenant, pas après tout ça. Écoute, Svet, elle voudrait pas que t'abandonnes, Hans. Elle dirait... C'est alors que ce dernier déglutit, regarda autour de lui, trouva Nilsine des yeux, parvint à faire le focus. Ses lèvres se courbèrent alors péniblement, entrecoupées de soubresauts. « Tu fonces !» parvint-il difficilement à articuler. « Et... t'arrêtes pas !» Il sourit, alors même que les larmes coulaient sur ses lèvres. « X et Ruby vont frapper dans 3 jours !» rappela Nilsine. « Il faut partir !» Maintenant, si on veut attaquer à temps. On peut pas les laisser se sacrifier comme ça, tout nus, dans la gueule du loup, pour rien. Hans hocha la tête, pensivement. Le sourire de Svet était une ancre dans la tempête, et il s'y accrocha de toutes ses forces. Le rythme de sa respiration reprenait son cours normal, peu à peu. Ses mains se stabilisaient. Le vertige reculait comme la vague sur une plage. Simultanément, les feuilles tombaient des arbres. Les informations se matérialisaient dans son esprit. Les données se qualifiaient, s'ordonnaient à partir du néant. Et avec elles, les possibilités. « Je sais, » osa-t-il, sa voix faible et brisée. « Je sais, mais je peux pas, comme ça. Ils vont la mettre dans une cage à l'autre bout du globe. Ce qu'ils vont lui faire, tu comprends, c'est trop. « Mais on n'y peut rien !» se renfrogna Nilsine, impuissante. « Elle savait c'était quoi les risques. C'est la fucking guerre sociale !» Et Hans réalisa qu'il n'y avait qu'une seule voie. Les variables étaient alignées. « Nilsine !» avoua-t-il avec plus d'assurance. « Mon plan a commencé des années avant qu'on se rencontre, toi et moi. J'ai planté des graines. » Tu savais pas, il y a des plans à travers les plans. Ça fait tellement longtemps. Je suis fatiguée. Nilsine resta silencieuse, confuse dans la pénombre. Je vais aller dans le nord, continua Hans. Moi, tout seul. Quoi? Échappa Nilsine, exaspérée. T'es pas en état! « Je t'aime, Hans, t'es mon ami, tu le sais, mais tout seul. Impossible. Regarde-toi, t'as les nerfs en bouillie, et je te blâme pas. C'est pour ça qu'il faut qu'on reste ensemble, ok? »« Moi, tout seul, » reprit Hans. Entre-temps, rallie des camarades, libérez Svet, laissez-la pas comme ça. La Hope Sec doit la garder quelque part sur l'île en attendant de la transférer pour de bon. » Bientôt, tout va péter ici. Il va voler de la merde dans tous les sens et vous aurez une fenêtre d'opportunité. Puis, sauvez-vous. C'est pas stratégique, répondit Nilsine, déconcertée. Si tu manques ton coup, tout est foutu. Le plan, la révolution, tout ce qu'on a fait. Ensemble, au moins, on a de meilleures chances. Mais ce sera trop tard pour Svet. Opposa Hans d'une certitude surprenante. On la retrouvera jamais. Nilsine hésita, serra la mâchoire. Hans poursuivit. T'es la plus forte de nous deux. Tu t'es toujours occupée de moi et je sais que j'aurais pas survécu sans toi. Mais il est temps que je fasse ma part. Au moins si je m'en vais, si j'achève en sachant que Svet est libre, j'en serai capable. J'irai, je descendrai dans ce trou, dans le noir, jusqu'au bout. Nilsine hocha la tête, passa ses mains à travers ses cheveux blancs, retira son collier, l'étoile du chaos, pour l'offrir à Hans. « À la mort de la civilisation !» murmura-t-elle, yeux sanguins dans la pénombre. Hans acquiesça. Il ne tremblait plus. Et à tous les salopards qui vont tomber avec.